jardin japonais où tout est figé, oh même le silence. Où des geishas trop fardés sous leurs ombrelles de papier protègent des yeux de faïence. Je ne veux pas d'un chemin ombragé d'arbres nains, pas d'un jardin en bouteille à tous les autres pareils. Je ne veux pas d'un sentier dont on a peint les graviers. Jardins japonais, leurs arbres sculptés comme des pierres. Vois ces ajoncs immobiles sur le bleu bien trop bleuté d'une improbable rivière. Je ne veux pas de chemin ombragé d'arbres nains, pas d'un jardin miniature à l'écart des écorchures. Je préfère griffer mes pieds à traverser les roncières. Laver la terre. Je ne veux pas de chemin.